devant vous, je dois en convenir. Je chéris Curias et j'estime ses frères. Mon cœur n'a pu sans déplaisir voir combattre aujourd'hui des personnes si chères. Mais Rome commandait, il fallait obéir. Le ciel va prononcer sur la cause commune. Il peut ou réprouver ou confirmer ce choix. Oh, cette idée importune. Non, les vieux, la solidité d'un juste loi.